3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Go New York, go New York, go! Bon, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Vous connaissez la formule, on est déjà de retour. Oui, oui, oui, la semaine dernière, on vous a livré un épisode spécial, spécial et efficace. Et ben là, on est reparti en mode habituel. Lundi 1er mai, faites du travail, faites du muguet, c'est pas grave. On est là pour parler des Knicks et vous souhaiter une bonne semaine. Le fameux Have a Nice Week. Have a Knicks Week, petit jeu de mots, KNFTV, programme hebdomadaire, 100% actu, avec Seb. Comment tu vas, Seb ? Eh bien, écoute, tout va bien. Comme, je te souhaite, comme maladie. Je te souhaite une très bonne journée du travail. Ouais. Pense à être productif, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Lendemain de soirée, je ne sais pas si la productivité va être au top. Est-ce que les Knicks ont été au top ? Ah, on va en parler. On va en parler. Allez. On ne perd pas plus de temps. On a, comme toujours, beaucoup de choses à se raconter. On lance le jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Allez, c'est parti. Eh bien, la semaine dernière, il s'est passé quoi ? Déjà, un bon dimanche, une KNF viewing. Deuxième KNF viewing party en mode playoff. Un hideout plein à craquer, il a fait chaud, il y avait beaucoup de monde, des nouveaux, des anciens, des anciennes, des nouvelles, il y avait des jeunes, des vieux, il y avait des fans des Knicks surtout. On a eu un influenceur, un former, Sweetman Paris, que vous pouvez aussi suivre sur Instagram. Vous repérerez son look assez particulier, quelqu'un qui est doté de plutôt quelques skills basket, ça serait vraiment intéressant. J'en bafouille, et qu'on retrouve aussi dans l'émission de TF1 Mask Singer. Oui, oui, oui. Alors, il n'est pas caché derrière une marionnette, mais il fait partie d'un des deux gardes du corps des bestioles. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les vendredis sur TF1. C'est fou quand même. Parce que c'est un fan d'Enix. Aussi, c'est un fan d'Enix, un fan de basket, ça c'est certain. Et il avait envie de passer une très bonne soirée. Il a passé une très bonne soirée en notre compagnie, comme tout un tas d'autres personnes qu'on salue, Jérém, Raymond, Kylian. Il y avait plein de monde, il y avait plein de monde. On avait même Sacha Jiffa. Oui, oui, oui. Sacha Jiffa, un ancien international basket qui est encore très actif dans la communauté basket et dans les clubs parisiens. Pour la faire court, qui a eu un petit passage lors de cette soirée. Hein. Comme quoi, tout le monde vient voir la KNF. Bah attends, les Knicks sont bankable. Cool. Les Knicks sont bankable, les soirées sont sympas, sont animées, et franchement, on a passé une super soirée. Il manquait juste un truc à la fin, mais ça gâche pas tout le plaisir de la bonne soirée qu'on a passée hier avec les membres de l'association. Et donc, encore une fois, merci à vous d'avoir répondu présent à l'appel. Et vivement qu'on puisse en refaire une prochaine. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Certains m'ont demandé, non, désolé, il n'y aura pas de viewing party ce samedi, mais si on passe un tour, qui sait, qui sait, qui sait. Allez, affaire à suivre. En tout cas, pour retrouver les images de cette super soirée, c'est sur knicksnationfrance.com, en plus des réseaux Instagram, Twitter, Facebook, vous connaissez le reste, mais il y a aussi le blog. Et le blog, eh ben, il a été plutôt bien alimenté ces derniers temps. On remercie Kevin au passage, qui bravo, Kevin. Gratifie de tout un tas d'articles pendant la saison pour suivre les Knicks et prendre un petit peu de recul, d'image par d'image. Bah, là, il nous a fait le débrief de la série face aux Cavs. On sait comment elle s'est terminée, mais quelles sont ses impressions ? Qui sont sorties un petit peu du lot ? Bah, vous avez tout ça sur knicksnationfrance.com. Et en plus du débrief de la série face aux Cavs, il y a aussi la preview de Kev sur le blog. Et en complément, un petit article sur les musiques, les anthems, les fameux Go New York Go, l'histoire de ce qui se cache derrière cette chanson que tout le monde connaît, qui date de 1994. mais qui a vu quelques remixes ou revisites, et puis d'autres hymnes, on va dire, de la famille Orange and Blue. Donc il y a tout un tas de choses à lire sur le blog. Là, on fait les malins en vidéo. Si vous voulez prendre un petit peu de temps, bouquiner sur le web, nixnationfrance.com, c'est aussi l'occasion de lire quelques articles sympas faits par la communauté. Voilà, c'était le petit instant promo. Ça fait pas de mal. Oui, et puis donc, toujours gratifié quand tu écris quelque chose, quand c'est relayé, de lâcher toujours, que ce soit quand c'est relayé sur Facebook ou sur Twitter, de toujours lâcher un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire sur le relais du post. Bah, moi, j'en fais plus, mais je sais que Kevin, lui, adore faire ça et il est très actif là-dessus. Pour connaître ça, je sais que c'est toujours gratifiant d'avoir de voir que finalement ce qu'on a fait, parce que forcément c'est une association, donc on le fait parce qu'on est passionné pour les autres passionnés. Avant tout. Donc en fait c'est toujours gratifiant de voir que c'est lu, c'est apprécié. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on en parle, mais au moins que ce qu'on a produit sur notre temps libre soit lu et soit voilà, donc n'hésitez pas, ça fait du bien aux écrivains des articles, aux plumes des articles de mettre un petit like, un petit j'aime, un petit truc, parce que ça c'est gratifiant, ça fait du bien et ça donne envie de continuer à écrire, de continuer à produire du contenu, notamment sur le blog. Voilà, donc petit aparté. Et puis en plus Kevin est un fin analyste. Et je veux dire, c'est toujours intéressant de discuter avec lui. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à mettre un petit j'aime, un petit like, un petit partage, un petit truc. Ça fait du bien toujours au moral de celui qui écrit, parce qu'on voit que finalement, on n'a pas écrit pour trois personnes, mais pour un peu plus, quoi. Non, blague à part, effectivement, le Kevin, lui, il ne regrette pas d'être venu à KNF. Et on apprécie sa plume qui est toujours très sympathique à lire. Donc voilà, il y a du contenu historique, actu, du débat, des avis, de l'opinion. Il y a un peu tout sur la communauté KNF. On est là pour ça, on est là pour ça. Allez, on va parler un petit peu basket, mais encore un petit écart. Là, on va pas parler de l'association, on va parler de l'équipe de France. Oui, oui, tiens donc, parce que dans Nix Nation France, il y a quoi? Il y a France. Donc forcément, on suit l'équipe de France, et surtout quand il y a des joueurs d'Enix qui sont dedans. On connaît bien sûr la situation d'Evan Fournier au New York Knicks. De Rudy Gobert. C'est très compliqué. Alors, Rudy Gobert, il ne joue pas encore au New York Non, Knicks. Non, mais il joue pour la France. Il joue pour référence. La France. Franck Ntilikina. Non, mais t'as vu, donc Rudy dit qu'il veut se mettre justement en retrait, qu'il ne sait pas s'il va participer à la Coupe du Monde pour bien se préparer, pour faire la saison qu'il n'a jamais fait, qu'il va tout écraser. Et il y a Vincent Collet qui lui a répondu, enfin moi j'entends ça depuis tellement longtemps, on me l'a et déjà les fait, mecs n'ont pas forcément, pu se performer l'année suivante. Donc il fait ce qu'il veut, mais en gros, le message c'est fait ce qu'il veut, mais pour moi c'est une fausse excuse, c'est du pipeau, quoi. Donc on peut ça comprendre. Fait ça fait débat dans... Moi, je suis assez que quelque part, je partagerais plutôt l'avis même de Vincent Collet, où rien ne vaut en fait finalement pour une prépa des matchs de haut niveau, quoi. Mmh. Et puis quoi de mieux qu'une Coupe du Monde pour ça. Bon, après, je suis chez moi dans ma petite pièce. Je suis pas un joueur de basket. Voilà, je fais pas, j'ai pas 82 matchs ou plus dans les jambes. Quelques millions sur mais ton c'est compte vrai en que. Ah ça tu sais pas. Regarde pas. Non, j'aimerais bien en effet. Mais ceci dit après voilà, enfin bon, il fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que si on n'a pas un Rudy Gobert à la Coupe du Monde, ça va être compliqué hein, le secteur intérieur. On aura peut-être un Joel Embiid ou un Victor Wembanyama. Deux joueurs sont libérés par leur équipe respective. Victor, lui, il a dit qu'il le ferait. Hein. Mais, ouais, mais c'est entre la décision d'un joueur et le ticket de sortie de sa franchise, à voir. En tout cas, il y aura la loterie, Banquero, il y aura la draft, il y aura des choses. Banquero, l'année dernière, il l'a fait, je crois, l'Euro, non, avec l'Italie, il voulait le faire, je crois. Il n'avait pas été libéré ? Alors, est-ce que c'est juste une question de... On va finir la partie après. Est-ce que c'est juste une question d'être libéré par le Magic ou une volonté pour le futur d'être aussi dans la sélection italienne parce qu'il est binational, je crois. Mais non, il n'a pas joué avec l'Italie. Il n'a Allez, pas joué avec parfait. l'Italie. J'étais Par pas sûr qu'il contre, l'a on fait. avait un certain Danilo Gallinari qui avait été transféré au Boston Celtics et qui s'est blessé pour toute la saison durant Bah l'Euro. ça après, tu traverses la rue, tu peux te blesser aussi, donc. C'est ça. Tu peux jouer à la fin d'un garbage time et te blesser. Tu peux te blesser en rentrant au début d'un match. Tu peux te blesser n'importe où. En tout cas, l'équipe de France, elle va retrouver dans son groupe le Canada de RJ Barrett. Ça sera une double occasion de suivre la Coupe du Monde. Et puis, la Lettonie. Est-ce que Kristaps Porzingis va jouer avec sa sélection? Ça, c'est à Est-ce que voir. Est-ce qu'il va Ilias préférer. Brazdeikis? C'est la Lituanie. Hein. Ah, c'est la Lituanie, c'est la Et c'est pas Lituanie. la Lettonie. Comme Rokas. Djokubaitis, ouais, ça c'est la Lituanie. C'est pareil, c'est la Lituanie. Bon, en tout cas, voilà, ça a été Et le fait, Canada, le tirage au grosse sort. équipe, le Canada. Le Canada, grosse équipe, hein, avec Shai, avec RJ, avec Dort. Enfin, Oui, ils ont oui, oui, oui. avec Jamal Murray, qui est en Mais la feu. saison dernière, ils n'ont pas passé leur qualification, enfin l'été dernier, donc à voir, à voir. Après, Ils ont si du lourd, hein. les Knicks vont en finale NBA, est-ce que RJ va enchaîner avec une compétition internationale? Pas sûr. À voir. En tout cas, il y a un joueur qu'on ne va pas revoir de ces playoffs, c'est Jericho Sims. Autant Evan, on ne sait pas. Autant Jericho Sims, on sait qu'il ne va pas rejouer puisqu'il est blessé à l'épaule, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il fallait blesser. Et donc, il va être il va passer sur le billard. Donc, on n'aura pas Jericho Sims dans ces playoffs. Est-ce que Et ça va être un ça manque? peut faire toute la différence. Toute la différence, je ne sais Ouais, pas. En tout cas, ça, ouais. si on a Jericho besoin Sims, de rotation. non, mais ouais, dans la route. Bah, disons qu'il passait les Gatorade comme personne d'autre, et je sais que ça manque sur le banc, un mec comme ça. Donc, Tu es taquin, tu es taquin. On en trouvera d'autres des passeurs de Gatorade. On a des tous les contrats qui ça sert entre autres à ça. Trevor Kills, c'était d'ailleurs c'était dans sa fiche sur envergure comme quoi c'était un très bon passeur de Gatorade D'accord. et ils se sont pas trompés. Ils ne sont pas trompés. Bon, au rayon de ceux qui ne sont pas trompés, que l'on va avoir pendant encore quelques jours et peut-être quelques semaines, du moins on espère, pour ce second tour des playoffs, c'est la rivalité Knicks-Heat. On a été abreuvé d'images bien à l'ancienne, alors plutôt des années 90, les séries des années 2010. Bon. Mais donc ça y est, c'est On parti. retient que le On bon. est rentré. On retient que le meilleur, que le gratin. On est rentré dans cette série. On vous a fait une vidéo en milieu de semaine dernière pour On était justement vous chaud parler de cette bouillant. qualification. On était trop contents, on était trop hypés par ces retrouvailles. Bon, ces retrouvailles, on les a eues dimanche. Match 1, il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde au Garden. On a ramené Patty Wing. Formidable. Et c'est ce que j'allais te dire, Pat, ça faisait une éternité qu'il n'avait plus remis les pieds pour un match des Knicks au Garden. Il était pris par quelques Oui, bien préoccupations sûr, basket mais universitaire. Là, maintenant, bon, c'est beaucoup moins le cas. après, c'est vrai que on n'allait pas souvent non plus en post-season. C'est vrai. C'est vrai. Qu'on pouvait pas Et trop que, sortir le Pat. année Covid, voilà, c'était plus compliqué de faire venir les anciens, surtout qu'il avait été touché par le Covid, l'ami Patoche. Mais voilà, il y avait du beau monde au Garden. Il y avait des chanteurs de K-pop, apparemment. Il y Ouais. avait des joueurs, enfin, c'est Aaron Rodgers. Je dis pas de Eh bêtises, qui a oui, Aaron été. Rodgers, Excusez-moi, je suis pas très connaisseur. le grand quarterback des Packers. Maintenant des Jets. Et maintenant c'est des Jets. Mais eh oui, Aaron Rodgers, c'est une méga star. C'est une méga star du foot américain. Comme quoi, il y a des mégastars qui arrivent à New York. On verra l'été prochain J'aurais pour les préféré aux Knicks. Giants. J'aurais préféré aux Giants personnellement. Et voilà. On verra. Bref, le Garden était plein, sold out. Le Hideout était plein aussi. Alors, on ne vend pas les entrées, mais on était au complet, plus qu'au complet. L'ambiance était belle, l'ambiance était un peu électrique. toute façon, maintenant, c'est le Garden. On sait, on connaît. Et après, juste un petit aparté pour Aaron Rodgers. Il sait se faire aimer des fans new-yorkais parce que la veille, il était également au Madison Square Garden pour assister Rangers. Au match des Rangers contre les Devils dans un match 6 hyper important. Parce que si les Rangers perdaient, la série était finie. Ils ont gagné, donc voilà. Mais il était là aussi, il était là, ouais. Donc il sait se faire aimer des fans, il est allé deux fois sur des matchs importants pour la communauté new-yorkaise, donc il fait les choses bien pour l'instant, le Aaron Rodgers. C'est le Garden. Mais il n'a pas porté chance comme il a fait pour les Rangers. C'est pas grave, s'il pousse la série à un match 7, on en parlera, les pronos c'est pour la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Mais voilà. Les Rangers avaient perdu, je crois, la veille ou l'avant-veille, bref. Quand les Rangers gagnent, les Knicks perdent et inversement. À voir. Bon, on avait un match ce dimanche. Un match où on attendait aussi par rapport à la liste des blessés. Est-ce que Julius Randle allait pouvoir revenir? Est-ce que Quentin Grimes, qui était sur le retour, mais depuis un moment, allait revenir? Eh bien oui, Quentin Grimes est revenu. En sortie de banc, c'est Josh Hart qui garde le poste de titulaire, le poste de chien de garde attitré pour Jimmy B. Par contre, Julius Randle n'était pas là, et donc Obi Toppin starter au lancement du match. Bon, un match que moi j'ai vécu dans des conditions euphoriques de la viewing party, donc j'étais un peu moins concentré, moins focus, mais tu es là justement pour nous apporter ce regard. Moi, j'étais transpirant sur mon canapé. Moi, j'avais chaud aussi. Pas sur mon canapé, mais bon. Bref, on a eu un match avec deux mi-temps, comme souvent. Mais deux mi-temps, deux ambiances aussi. Une première mi-temps où les Knicks débutent pas trop mal, surtout un premier quart. Hein, on est à 30-21, quelque chose dans ce genre. 21-32. 21-32, ouais. Donc... voilà, on commence à faire un petit break de 10 points, mais un petit break qui va se maintenir dans le second quart. Les Knicks qui débutent plutôt bien, sans avoir une folle. Le Heat qui arrose à 3 points, mais qui ne met pas dedans. Tant mieux, on compte, tout va bien. On compte jusqu'à 14-15 points d'avance. Ouais, voilà, mais... mais on finit très mal le quart. On finit mal le deuxième. On finit mal le quart, ils reviennent, ils recollent à 5 points à la mi-temps. Bon... et là, c'est le drame. Troisième, on le connaît, on l'a déjà vu cette saison. Plus compliqué. Milieu de quart, le hit a raccroché, le hit repasse devant. Et puis derrière, on va courir derrière le hit tout le long de cette fin de match. Avec un quatrième quart qui est bon du tout. Une adresse à 3 points qui est aux abonnés absents pour les Knicks. Un Quentin Grimes, on l'a dit, qui est revenu, mais qui a relativement peu joué, une dizaine de minutes en sortie de banc, là où Josh Hart, lui, a joué beaucoup de temps. Alors, il l'avait dit à Thib, moi, s'il faut que je joue 48 minutes, il n'y a pas de problème, je peux faire. Ouais, mais bon, ça serait bien aussi de pouvoir varier les plaisirs et les matchs. Il en avait joué 45 hein, sur le match 5 de Cleveland. Oui, oui, on sait qu'il a un cœur, il a un cardio qui peut se donner. La même obstacle pour la cheville de Jimmy B. Bon, mais, voilà. Il a glissé. C'était un accident. Il a glissé, chef. Non, j'ai glissé. C'était pas un dirty play, mais voilà. À un moment donné, il y a eu une phase d'inquiétude. Est-ce que c'est pas un petit jeu d'acting aussi de la part de Jimmy B? La cheville tourne. Inquiétude derrière. Pour Miami. Pour la série au sens large, parce qu'effectivement, une cheville qui tourne, on n'a pas envie de voir les joueurs se blesser. Non. On veut de l'engagement, mais on veut aussi que les joueurs soient sur le terrain. Là, on sait que la série, elle est... On veut les battre quand ils sont au complet. À la régulière. La victoire soit totale. Ouais. Il y a de l'engagement, et voilà, la cheville tourne. Butler qui tourne bien, reste au sol longtemps. C'est un moment du match où il y a une possession d'écart. C'est à quoi 5 minutes de la fin du quatrième quart du Money Time. On est bien dans le match. On est en retard, mais on n'est pas distancé, on n'est pas largué. Non. Et puis moi, après, j'ai surtout vu R.J. Barrett qui prend le ballon, mais qui va s'empiler sur la défense du hit qui l'attend. Moi, je comprends pas à ce moment-là que Thibodeau recadre pas les choses parce que. On voit c'est de l'acting ou pas, c'est exagéré ou pas. Bon, je pense T'as que quand besoin de même faire à ce repos. moment-là, je pense qu'à ce moment-là précisément, Jimmy Butler est vraiment diminué. Et moi, je ne comprends pas qu'à ce moment-là, surtout que on l'a vu pendant une énorme partie du match, il a été vraiment en mission sur Jalen Brunson. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué sur lui? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas. Il était diminué. Et en fait, on a continué à vouloir dérouler notre jeu offensif un peu casse-gueule depuis la moitié du deuxième quart-temps, là. Alors qu'on avait un mec qu'on n'a pas voulu faire sortir en face, qui était, à mon sens, blessé parce que il a touché beaucoup moins de ballons après ce coup du sort, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué sur lui? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attaqué? Pourquoi? Et ça, j'ai pas compris. On a continué à faire notre petit business qui s'est très décevant et pas du tout payant, quoi. Moi, Non, je sais pas. la fin Je de sais quatrième quart pas, toi, ton était ressenti, déceptif. ce que les gens ont pu penser sur place pendant le match. Mais moi, je me suis posé la question de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on joue pas sur Butler? Merde. Ben, je sais pas. Oui. Moi, j'ai. Ouais, il y a eu beaucoup de déceptions sur la fin de match, beaucoup de. Oh, voilà. Vous connaissez, vous les avez fait dans vos canapés respectifs. On était encore dans le match. Hein, 3,80. 92 ou un truc comme ça, Ouais, mais on reste quand à l'action 4-5 s'opère. points. Donc le match n'est pas décidé encore. Et moi, je m'attendais à bon, ballon en main. Il aurait dû Et c'est pas l'avoir. ce que j'ai vu. Non. Alors après, Brunson a pas été en adresse non plus de loin. 0 sur 7 à 3 points. Enfin, au sens large, l'équipe a été très mauvaise de loin. Donc c'est peut-être aussi un facteur qui peut nous donner de l'espoir de se dire. Pour le prochain match, peut-être qu'ils ne vont pas shooter aussi avec un si faible pourcentage. Mais attention, le tour est derrière nous, certes, mais les Knicks sont pas non plus ultra performés d'un point de vue offensif. On a été très fort défensivement. On n'a pas non plus des gros scores sur la série face aux Ah Cavs. ben, je peux te dire, hein. Jusqu'à présent, à 3 points, donc sur l'ensemble des playoffs, Attention, le accrochez-vous. game 1 contre Cleveland, on shoot à 20,6% à 3 points. Le game 2 Faible. à 31%. Le game 3 à 27,6%. Le game 4 à 30%. Le game 5 à 24,1%. Et le game 1 de Miami à 21,6%. Sur l'ensemble des playoffs, on shoot à 26,8% à 3 points. C'est minable. C'est désastreux. Alors, faut pas en prendre trop, c'est sûr, mais si on va chercher les points que dans la raquette, forcément, on est beaucoup plus Ouais, prévisible au niveau de la enfin, tu défense vois, adverse. t'en prends 34 hier quand même, hein. Et c'est à peu près la moyenne de shoot qu'on a pris durant l'ensemble de ces playoffs. C'est-à-dire entre 30 et 35, quoi. Donc, il y a C'est un donc. déficit clairement C'est monstrueux. derrière l'arc. Ah Après, oui. on sait qu'on n'a pas de Julius Randle sur ce match-là, qu'il n'a pas terminé le match 5, qu'il n'a pas fait une super série face aux Cavs. Il n'a pas été bon, il n'a pas été en adresse non plus. Quand on a un Julius en début de match qui nous met 2-3 points, voilà, ça met aussi l'équipe sur les rails. Ça permet d'étirer un peu le jeu, ça permet d'ouvrir le jeu pour du Quentin Grimes parfois, pour du RJ Barrett par moment. Là, forcément, sur ce match-là, même si Obi Toppin, il fait point, il est le seul qui a réussi à rentrer des 3 points. Il en a pris un bon volume, certes, mais il en a mis aussi une partie. Il est presque Assurance, à. pas de surprise, Ouais, donc oui. ça fait à peine un 40%, quoi, un petit peu en dessous. Mais c'est déjà mieux que le reste de l'équipe, quoi. C'est à peu près 40 ans. C'est plutôt honnête comme volume. C'est un bon Enfin, pourcentage. bien sûr, 40%, c'est très bien. 11, c'est Grimes, beaucoup. voilà, c'est 1 sur 3. Quickley, c'est 1 sur 4. Barrett, 1 sur 5. Et après, on est sur du 0 sur 4 pour Hart. Et du 0 sur 7 pour Brunson. Johnson a été autocritique en interview Ouais, d'après-match. il a été dur sur Après, c'est lui-même. Je sûr comprends ce qu'il veut que dire. en l'absence de Julius, forcément, l'attaque repose plus sur lui. Même si RJ Barrett a mis des points, RJ Barrett termine meilleur scoreur. Mais c'est aussi un match un peu en faux semblant si on regarde que l'angle statistique, puisqu'il fait une bonne première mi-temps en termes de statistiques, Il fait un match à la plutôt RJ. efficace. Et en seconde mi-temps, Il l'efficacité, elle n'est disparaît. plus là. Il disparaît et dans le dernier quart, on ne le voit plus. Et c'est justement là, je pense que ça a frustré Brunson, c'est que Lui, il est là normalement pour clôturer un match. Il est là pour le fermer. Et c'est vrai que bah, personne n'a trop compris pourquoi il n'avait pas eu le ballon à main. Il était en totale capacité, justement, je fais référence à ce que j'ai dit avant, à attaquer un Butler diminué. Et c'est bien dommage, en fait. Après, d'ailleurs, voilà, il dit la défaite est pour moi, j'ai pas été bon. Oui, t'as pas été bon sur ce match, mais ça sert à rien de s'auto-flageller. Enfin, jusqu'à présent, il est énorme dans ses playoffs. Il s'automotive, je Donc, dirais. oui. Après, je ne me fais pas de soucis quant à son mental pour revenir plus fort sur le prochain match. On le sait, on l'a vu sur le premier match de Cleveland. Je ne sais pas si tu te rappelles. Pas fantastique. Bah, Il avait problème de taponné un faute peu. en début. Là, c'est pas trop les fautes qu'ils ont Ouais. pris. Par contre, il y a quand même 5 pertes de balles. C'est pas trop dans son habitude. Mais. Il est plutôt Oui. un Pas ses meneur propres. qui protège bien le ballon. Alors forcément, il est attendu en face et je vais en venir à la question. Ok, Alors, on a moi vu les justement. Knicks là en playoff sans Julius. Julius, ça ne joue pas pareil avec que sans Julius. Mais en termes d'attention de la défense adverse, et on sait que Miami, c'est une bonne équipe défensive, on est d'accord que sans Julius, toute l'attention s'est focalisée sur Brunson. On sait que c'est lui le playmaker, que c'est lui qui va chercher les paniers et les points quand il en a besoin. Il arrive quand même à le faire. Voilà, Mais si il tu n'a veux, pas réussi à aller chercher la win. c'est à ça que c'était intéressant le premier quart. C'était que ils ont mis Butler sur lui. Ok. Tu sentais que la match-up était compliquée pour Brunson. Il a eu du mal dans ses premiers shoots, il a eu du mal à ses premiers drives parce qu'évidemment, il a un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue sur le paletot. C'est pas évident. Et c'est pour ça que RJ Barrett aussi s'est révélé sur cette première mi-temps parce que ben, ils se sont relayés quelques-uns sur lui, donc que ce soit un Gabe Vincent, que ce soit un Max Strus. Mais on a bien vu que physiquement, il a pris le dessus et c'était lui qui marquait les points. C'est lui qui a marqué les points. Je crois qu'il a été à 11 points sur le premier quart. Donc en effet, il a dû s'ajuster aussi parce qu'il se faisait punir d'autre côté par RJ, qui aussi arrivait à faire croquer les copains, aller hoop sur Mitchell, une sortie de balle. Enfin, il avait là-dessus. Ils sont passés en zone à un moment donné dans le deuxième quart. Ça nous a beaucoup gênés. Ça a beaucoup gêné l'animation offensive de l'équipe. Et puis, ils ont décidé de switcher un petit peu au niveau des défenseurs. Et là, Brunson n'a plus eu le taulier de service sur les côtes. Ce qui l'a ça l'a vachement libéré, ça. Ça l'a aidé à avancer dans son match. Mais je pense que c'est à lui maintenant de trouver la solution parce qu'il sait qu'il va avoir pendant encore 3 matchs au minimum un Butler sur le dos. Donc. Il sait que il va falloir qu'il joue plus dur, plus fort. Après, est-ce que les arbitres aussi ont pas été. Je ne mets pas sur le dos la On a défaite. entendu quelques chants du Garden à destination des arbitres. Mais il est évident que quand on voit que 4 fois, même pas, parce que c'est 4 tirs, donc ça ne veut pas forcément dire 4 fois. C'est-à-dire que quand en fait. Jalen Brunson n'a que 4 tirs au lancer franc. Quand on connaît son jeu en pénétration, quand on connaît son jeu tout en drive, c'est assez étonnant. En effet, il a des pertes de balles un peu débiles, mais je pense que s'il y a des pertes de balles qui sont comptabilisées là-dedans, dans ses drives, de ballons tapés ou de taper un peu sur la Ouais, main, ouais. ou de ballons perdus un peu comme ça. Parce qu'on ne l'a pas dit, Donc. mais aussi en vis-à-vis, à un moment, il a eu du Kylori. Ah Un oui? Kylori qui s'est révélé. Hein, beaucoup l'enterrent. On a enterré des joueurs côté Heat, Kevin Love, Kylori. Kylori, il termine avec une stat, moi, qui m'a choqué. Il termine meilleur contreur de la rencontre avec 4 blocs. Kylori, 1m83. Le Quatre mec, il est plus contre petit que moi, quoi. un. Non, mais attention, Kylo, Et des gros c'est shoots. un. Ah, Des gros mais shoots. c'est encore un gros joueur. Ah oui, J'avais dans tous les regardé sens du terme. j'avais regardé. Non, mais ça reste quand même un sportif de haut niveau. Mais j'avais regardé le premier match des play-in qui perdent Attentat. contre Atlanta. C'est lui qui les maintient en vie totalement, avec des gros shoots, avec des machins. Enfin, c'est lui qui les maintient en vie. Il en a mis Après, un. Là, il a mis des paniers qu'on fait mal. Oui, Il y a mais des trois Kylori, points qui c'est sont rentrés un. qu'on fait mal à des moments T'as clés. les. Ils ont des anciens qui connaissent la musique, qui connaissent ce niveau-là de compétition. Je veux dire, des Kylo Reed, des Kevin Love, des Butler, ce sont des mecs qui connaissent ce niveau, qui savent comment gérer les tempos. Tiens, là, ici, il ne faut pas paniquer, c'est pas Il y grave, a on a moins 15, un coach. c'est pas grave, les gars. On a un coach en face, je veux dire, il a connu, donc là, sa 101e victoire en playoff, vous vous rendez compte? Envoie lui. 101e victoire en playoff. Il a compris qu'on était en galère derrière l'arc, qu'on n'arrivait pas à shooter. Mais quand on marquait à l'intérieur, je veux dire, à la mi-temps, c'est 44 points inscrits dans la raquette pour 12, je crois, chez eux. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, les gars, vous êtes en galère pour On shooter à se 3 points? reconcentre. Allez-y, pas de problème. Par contre, à l'intérieur, maintenant, c'est No Man's Land. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé s'encastrer. On est allé sur des rochers. Et ça n'a rien fait. Comme RJ. RJ Barrett, c'est dans son dernier carton, C'est à il a l'image. voulu jouer le Hero Ball. Et en fait, ben, un coup, il s'est fait. Un coup, ben, ça ne marchait pas. Un coup, il s'est fait contrer ici. Un coup, il perdait le ballon là. Et en fait, ben, c'était. Alors qu'on a eu les ballons, c'est ça qui est rageant en fait dans ce match. C'est que dans les 5 dernières minutes, on peut recoller au score. On a les ballons. Ils connaissent un déficit de shoot. Ils ont un Butler qui est diminué. Allez On la peut chercher. repasser devant. On peut l'emporter ce match. On peut le chercher en effet. Et on craque. On craque par nervosité. Comme je te disais en off, j'ai trouvé que Hart avait été très nerveux sur ce match. Je l'ai très dans mauvaise attitude, c'est-à-dire ben, tiens, je vais aller marquer mon panier tout seul. Tiens, je vais partir en drive tout seul. Tiens, je vais faire mon truc. Je l'ai pas trouvé bon, malheureusement. J'adore. Hein, moi, On je veux l'adore. absolument qu'il reste, bien On a sûr. du cœur sur Art, du cœur sur Art. Tout le monde veut qu'il reste. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va rester cet été, qu'il va signer un contrat sur 3 ans avec une option et machin. Mais là, ce match, je ne l'ai pas trouvé bon. Là, Alors ce match, je ne l'ai pas il trouvé découvre les bon. playoffs, hein. Faut aussi le Bien rappeler. sûr, C'est sa première il était en mission campagne sur Hart. Il était en mission sur sur Butler. Hart, sur Butler, pardon. Il est arrivé à faire des bons stops défensifs. Il a réussi à le freiner un peu. Mais après, derrière, c'était sur l'attitude offensive, la passe en retard ou pas la Tout droit, passe, tout droit, tout le droit. tout droit, les œillères. Pas dans son habitude. Ah. Et je pense que pour un mec comme lui, qui est à peu près, si ce n'est même peut-être au-dessus dans la confrontation, dans la victoire que Jalen Brunson, je pense que les deux, ça les a dû les bien les saouler cette victoire. Il a dû avoir un petit Autant relâchement. la perte de Villanova, on les voit fanfaronner en conf de presse sur les soirs de victoire. Et tant mieux, ils font le spectacle, ils sont Oui, ils prêts sont à voir, marrants. c'est sympa. Là, on sentait qu'effectivement, ça les avait touchés, ce match, qu'ils étaient déçus de leur prestation. Alors après, beaucoup nous disaient « Oh là là, vous allez prendre la marée avec Jimmy Butler parce qu'il marche sur l'eau en ce moment. » Il a été globalement pas trop mal maîtrisé sur cette rencontre. Il fait Oui, du Jimmy Butler, il bien aura des sûr. coups de sifflet parfois avantageux, mais voilà, on le tient à une 25 points. Jimmy Butler, donc c'est pas C'est mal. bien, c'est mieux que les 37 C'est points de moyenne sur sa première série 25, face aux Bucks. 25 points, dont 9 sur un CFR. C'est 11 rebonds, 4 assists et 2 vols de balles. Ouais. Bon, 8 Alors un sur dernier 16 au point sur shoot. lequel moi je voulais revenir aussi juste avant de basculer sur ce qui va nous attendre. Mine de rien dans cette rencontre, donc on a un problème d'adresse, certes, on a un Ouais. Quentin Grimes qui est sur le retour, donc peut-être que est-ce qu'il ne faut pas le remettre dans le 5 et puis apporter une menace à l'extérieur, à voir, est-ce que Jules va venir? On va en parler. Il y a un secteur où on a gagné quand même, et il va falloir continuer de s'appuyer dessus, c'est le secteur du rebond. On a quand même réussi à dominer cette équipe 48 à du Heat. 39. Donc ça, c'est aussi un point positif. On reste toujours dominant dans la raquette quand il faut récupérer des rebonds. Donc ça donne des secondes chances. Par contre, les secondes chances, à un moment donné, il faut les mettre, les paniers, quoi. Et clairement, c'est ce qui nous a fait défaut sur ce match. C'est le match 1. On a perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre. Non, Ça ne met non, pas c'est les Knicks dans la meilleure des positions parce que, évidemment, ça aurait voilà, été. mieux de débuter chez soi par une Pour le victoire. momentum, ça aurait été bien d'importer ce match. Eux, ça les aurait fait redescendre sur terre de leur série contre Milwaukee. Nous, ça nous aurait lancé, voilà, comme contre Cleveland. Voilà, là, le problème, c'est que maintenant, la confiance est chez eux. Ils étaient venus pour remporter un match, ils l'ont. Maintenant, nous, on est dos au mur avec la pression de remporter le deuxième. Eux, ben, ils vont pas vouloir s'arrêter là s'ils peuvent nous le prendre. Ils vont le faire. Donc, c'est vrai que là, c'est pas l'idéal. Surtout quand on connaît un Relax, peu relax. notre. Oui, non, mais relax, tu te relaxeras quand tu seras sur ton transat à Cancun. Là, pour l'instant, Avec relax, oui. Marc Berman Avec Marc Berman. à Miami, en Floride. Là pour l'instant, je pense qu'ils sont. Si nous, on a vu ce problème-là de shoot à 3 points, eux, évidemment, qu'ils le savent depuis un sacré moment. Et moi, si tu veux, c'est que on a eu des shoots ouverts qu'on mettait en saison régulière. Alors oui, on me dira, la saison régulière, c'est la saison régulière, machin. Un Shoot shoot ouvert, ça ouvert, ça reste un reste shoot un shoot ouvert. ouvert. Voilà. Et ce qu'on mettait en saison régulière, là, ne rentre plus, quoi. Là, ne rentre plus. Soit ça fait fond d'arceau, soit ça tourne, ça rentre pas, soit. Et c'est vrai que c'est rageant parce que ben, en fait, c'est ce petit plus. Il nous manque ce petit plus. Et bon, j'espère qu'il va venir. J'espère qu'il va venir au prochain match. Mais c'est vrai que ce petit 3 points en plus, là, cette petite menace en 3 points en plus qui permettrait, pense, et là, de devoir à Miami de se réajuster et nous, à nos drivers, de pouvoir repartir à l'intérieur, ben, il faut. C'est hyper important. Ce 3 points, il faut le débloquer. Il est hyper important pour la suite de la série, quoi. Hyper important. Et ce 3 points, il va arriver par. Eh ben, on en parle tout de suite sur la deuxième partie. Parce qu'il y a quelques shooters à 3 points qu'on va attendre. Il y a peut-être un facteur X dans cette rencontre. Il y a peut-être des joueurs qui vont revenir. Il y a peut-être des ajustements à faire. Alan C'est une Houston série revient. play-off. Houston revient. On l'a vu, il était de sortie. Ouais, il était de sortie. Mais sûr, Mais non, ils on va peut-être étaient tous penser à là. d'autres. Ils étaient tous là. Et il en manquait peut-être un. Un mec avec un bandeau, un numéro 7. Bon, bref. Allez. On regarde ce Il est fâché. qui arrive pour le programme des Il boit Knicks du vin. cette semaine. Il boit du vin. Ah, c'est l'ambassadeur de la Coupe du Monde de la FIBA. Sacré mélo. Allez, je remets mon hoodie, je lance le jingle et on se retrouve sur la seconde partie pour voir le Oui. programme de la semaine. Parce que Oui, là, il y vas-y. avait un match. Vous avez vu tout ce qu'on peut raconter sur un match? À trois qui arrivent. Alors attention, préparez-vous bien. Il y a une grosse semaine cette semaine. C'est parti. On regarde ce qui arrive sur le programme de la semaine. Pour les rangs. Et voilà, donc une nouvelle semaine qui arrive. La dernière, elle est derrière nous. Il y a eu une qualification et il y a une défaite en premier tour, en premier match du second tour. C'est des choses qui arrivent. On a d'une certaine façon perdu l'avantage du terrain. Il va peut-être falloir le reprendre. Il va peut-être falloir enchaîner ou éviter de se mettre dans des situations très compromettantes. Mais de toute façon, on sait comment ça se passe. Dès qu'il y a une victoire, les Knicks, ça s'enjaille. Dès qu'il y a une défaite, les trollers sont sortis. Et au rayon des trollers de sortie, on avait un certain Alonzo Mourning, qui, après la victoire des siens, de son équipe de cœur, du Miami Heat, bah, a eu la bonne idée d'aller au 44 Club. Pour ceux qui connaissent du côté de Manhattan, qui organisait une viewing party aussi des Knicks. Donc, Monsieur Mourning a été festoyé au milieu d'une Bah, viewing party. Sacré comment on dit, zoo. hein? Il connaît la région. Hein. Il connaît la région. Bah, il est venu un peu. Il avait joué dans le New Jersey aussi. Hein. On a tendance à l'oublier, mais c'était un joueur des Nets. Ouais, dans la saison 2003-2004, un truc comme ça, je crois. Ou 2004-2005, il finit ça, il prend sa retraite chez les Nets. Un peu Ouais. comme beaucoup. Mais. Non, je suis pas sûr qu'il. Ah, on vérifiera. Mais en tout cas, il a un passage honnête, ce qui est pas très glorieux. Bon, après, il avait des problèmes de santé. Il prend pas sa Respect, Zo. retraite aux Nets. Moi, il apprend à Miami. Il la On reprend, mais vérifiera. Georges. Attends, je vais te dire, parce que je suis sur Basketball Reference, que je voulais voir une stat On pour la suite de vérifiera. la série. Je vais En te dire, attendant, tiens. pendant que tu vérifies tout ça, moi, ce que je vous partage, c'est le calendrier. Le calendrier de quoi? Des finales NBA. Ouais, bah, il n'y a pas de raison, hein, puisqu'il y a des trolls qui viennent troller les Knicks. Pourquoi nous, on ne pourrait pas troller la NBA? Donc, réservez vos dates au mois de juin. Ça peut peut-être servir. Voilà. Non, blague à part, on va plutôt se concentrer sur le calendrier de cette série. Une série qui commence plutôt mal par une défaite. Mais on a déjà les informations, la connaissance des 3-4 prochains matchs. Est-ce qu'il y aura du Raison. sweep? J'espère pas. Raison. J'espère pas. T'as raison. Retraite en 2007-2008 à Miami. Ah voilà. À 37 ans. Qui doutait que j'avais pas raison? Et oui, puisqu'il Eh oui, puisqu'il prend sa bague dans l'équipe de Shaq et Wade. Gary Payton, Antoine Walker, Udonis Et Haslem. il apprend à ce moment-là, ouais. Exact, Ouais. exact. C'est vrai qu'il revient et c'est Il vrai. finit sur un titre, dans un rôle qui était différent, hein, clairement, le zoo, mais il avait été plutôt intéressant tout de même. Hein. Quand tu as une raquette composée de Shaquille O'Neal et d'Alonzo Mourning, je pense que tu as un peu du poids dans la raquette, quoi. C'est ça. Bref, bref, bah, une légende du 8, Mourning. On Ouais, respecte nos adversaires respectables. c'est en 2005-2006 qu'ils sont c'est en 2005-2006 qu'ils sont champions. 2005-2006 qu'ils sont champions. Ça appartient au passé. Nous, on se projette sur l'avenir. Donc, cette semaine, trois matchs. Hein, match 2, match 3. Qu'est-ce que je dis? Trois matchs? Quatre matchs? Non, il n'y a que deux matchs cette semaine. Ouh, je raconte n'importe quoi. Il n'y a que deux On matchs joue le cette 3 et le semaine. 6. Oui. Voilà. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi, le match 2 au Madison Square Garden. Là, on est d'accord. On va partir dans les pronos tout à l'heure. On va vous faire aussi un pronostic de la série parce qu'on vous avait pronostiqué que le match 1. Au passage, mon pronostic était le bon. J'aurais préféré me tromper sur le coup. Bah ouais, moi j'étais là, on va les plier. On va les plier. Ouais. On va les Ça a été plier en accroché, deux. c'était accroché. Bon, bref, Allez. trois matchs. On ira jusqu'au match 3. C'est ça qui m'induit en erreur. Donc, match 2 dans la nuit de mardi à mercredi. Là, c'est fini les heures prime time français. Il va falloir remettre le réveil. Ça va piquer, mais c'est pour la bonne cause. Un match à 1h30, ça va. C'est les heures de la East Coast. Et puis le match 3 à Miami, Floride. Je ne me rappelle jamais le nom de la salle, donc je ne vais pas repartir sur le nom C'est de la pas salle, ça l'American change tout le Airlines temps. ou ça a changé? C'était American Airlines? C'est pas grave. C'est l'emplacement est toujours le même, c'est juste au plafond qui a changé. Et ce match-là, il sera samedi Ah, soir, c'est la 21h30. FTX Arena. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais préféré FTX. American Airlines, c'était plus. Je crois qu'ils avaient à un moment donné un plan avec un site de film pour adultes, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Ah bon? Bon, ce qui préoccupe le Heat, finalement, ce n'est pas nos affaires. Nos affaires, c'est ces deux matchs cette semaine. Un match à domicile, un match à l'extérieur. Je vais partir. Puisque j'ai gagné le pronostic de la semaine dernière, on va faire comme ça. C'est moi qui vais commencer par le pronostic Ouais, de cette semaine. et que quand tu perds, tu dis, bon, vu que j'ai perdu, je vais commencer. D'accord, bon, ouais, je sais pas, je suis inspiré là. Mais Vas-y. voilà, donc deux matchs cette semaine, un à l'extérieur, un à domicile pour commencer. Clairement, c'est un must-win sur ce match 2 pour New York. On avait des doutes de savoir si Julius Randle allait pouvoir revenir. Il s'est entraîné, on a eu quelques vidéos qui ont leaké de séances d'entraînement. Donc voilà, le garçon est capable de prendre des shoots. Est-ce qu'il a des entraînements avec contact? Bon, de toute façon, maintenant, il va falloir jouer. Hein. Si tu es capable de marcher, si tu n'as pas de bottes, si tu es capable de t'entraîner, c'est pas. Peut-être que la série va être longue, mais on a besoin de toi maintenant. Donc, de toute façon, on a vu ce que Obi Toppin pouvait apporter. Obi Toppin n'est pas la raison du non-succès dans le match 1. Même si finalement il n'a pas été utilisé par Thibodeau ou très peu, 2 minutes à peine dans le Ouais, quatrième quart. 2022 Donc voilà, ou on sait qu'on 21. n'a pas le même. Bon, à peine 2 minutes quoi. Mais on n'a pas la même utilisation, on n'a pas la même menace, on n'a pas la même présence, on n'a pas le même jeu. Oui, il y aura plus d'iso quand on va avoir Julius Randle, mais on a un joueur qui va aussi concentrer l'attention de la défense, qui va peut-être aussi alléger un peu JB. Qui va peut-être un peu jouer physique, qui va, quand il va falloir aller bully dans la raquette, bah lui, il va peut-être mieux le faire que du RJ Barrett. Donc, à voir. Est-ce qu'on aura du bon Julius Randle? On n'en a pas eu du bon Julius Randle sur la première série. Éventuellement, le premier quart sur Game 1 face aux Cavs. Le premier quart sur Game 5 avant qu'il se Il y blesse. avait de l'idée hein, sur le Game 5. Hein. Il y avait de l'idée. Hein. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, mais on n'a pas la même raquette, on n'a pas la même opposition. Avec son 13 points, à mes souvenirs, il était à 13 points, 5 rebonds, 4 passes, un truc comme ça. Il y avait de l'idée. Hein. Mais voilà, les Knicks ne pourront pas se passer d'un Julius Randle pour passer le Heat, pour aller le plus loin possible en playoff. C'est un des joueurs majeurs, c'est une des grosses pièces du puzzle aujourd'hui de l'effectif des Knicks. C'est jusqu'à Il preuve du agace, contrôle star. c'est un double All-Star, il est capable de tourner en 20-10, il l'a peu ou pas fait sur le premier tour. que sa blessure initiale à la cheville, il l'avait contractée contre le hit, hein, sur une lutte au rebond où la cheville tourne sur Adebayo. Besoin de lui, on va avoir besoin de lui dès le match 2. Donc pour moi, je vois un retour de Julius Randle Et puis, dans le starting 5. il a une match-up en plus pour le coup qui est quand même favorable à lui, hein, dans cette série. Ouais. Et s'il pouvait nous mettre quelques 3 points pour aider justement l'équipe qui est en difficulté, c'est pas le shooter qu'on préfère voir à 3 points parce qu'il a souvent tendance à croquer. Il n'est pas loin d'en prendre une dizaine par match, mais les bons soirs, il peut les faire tomber dedans. Voilà, espérons trouver un bon Julius comme quand il avait fait son retour pour la série face aux Cavs. Mais moi, j'espère en tout cas qu'il sera de retour pour qu'on puisse compter sur un effectif avec le plus de force possible pour essayer d'aller le chercher. Est-ce qu'il y aura un Jimmy Butler au match 2? À voir. Pour l'instant, il est annoncé out, mais rien de définitif d'ici mardi. Est-ce que la cheville aura enflé malheureusement après le match 1? Il a pu terminer le match 1, mais des fois, on sait qu'à chaud, ça peut encore le faire. Après le lendemain, à voir. Bon, en tout cas, moi, je vois une victoire Tu veux que je te donne d'Enix. une stat un peu what the fuck pour le coup, parce que je suis un peu surpris. Tu sais, sur la saison, quelle équipe a eu le meilleur pourcentage de réussite à 3 points entre si je te pose la question, tu te doutes de la réponse, entre le Heat et les Knicks. Les Knicks. Le Heat, ils ont eu 34% de réussite à 3 Oui, points ils ont sur été la saison. en galère cette saison et ils se sont Et nous, réveillés en playoff. on est à 35%. Et là, en fait, contre nous, c'est pour ça que tu vois, je t'écoutais évidemment, hein, mais j'étais dans mes recherches. Et là, tu vois, finalement, ils sont un peu retombés dans leur vieux travers avec leur 33% de réussite à 3 points. Donc, est-ce que c'est notre défense qui les fait déjouer? Est-ce qu'ils sont retombés dans leur niveau de saison régulière? On en saura plus au Il n'y a match qu'un 2. match. Mais On va oui, on en attendre plus saura plus au d'échantillons match pour 2. savoir. Mais en même temps, voilà, il y a eu 82 matchs précédemment, donc Oui, mais un match. c'est quand même un beau panel, plus le match qu'ils ont fait contre nous sur la série. J'occulte volontairement la série contre les Bucks parce que est-ce qu'ils étaient on fire, est-ce que voilà. Le Heat on Fire. Mais finalement, en fait, tu vois, je l'ai pensé plus haut. Je l'ai pensé plus haut et en fait, non, ouais, ils sont à 34% de réussite à 3 points. Et finalement, en fait, on retrouve ce pourcentage contre nous sur le match 1, quoi. Et ça me fait encore d'autant plus rager, quoi. C'est un truc de ouf. Ah ouais, non, mais C'est parce qu'on bref. a, on n'a pas été Bref. bon à 3 points. C'était la Donc là petite. aussi, moi, ce que C'était la j'aimerais petite bien stat. voir. Et nous, t'imagines, on est à 35%. C'est un truc de fou. On est à 35% sur la saison régulière et on tombe à 26, ou je crois que c'était ça la stat que je te donnais. 28, 26, je crois, sur les Ouais, mais playoffs. parce que C'est Juju, c'est fou. pas dedans. Parce que Quentin Grimes fait une Juju, c'est pas demi-série face aux tout. Cavs. Donc voilà, donc du coup, il y a des éléments à avoir et ça va aussi passer par le shoot externe. On J'ai sait vu que cette Jalen saison, Brunson. c'est 34% de réussite à 3. J'ai vu cette saison. Oui, mais il en prend un volume aussi assez important, quoi. Ouais, mais ça reste honnête. Ça reste honnête. Ça reste honnête. Mais voilà, ça va passer par le 3 points. Brunson était autocritique, donc on peut s'attendre à des séances d'entraînement à 3 points. RJ Barrett ne cherche pas, hein. Il en Si t'en prend mets, 8 tant par mieux, match. mais force pas. Force pas. Julius, il en prend 8 par match. En moyenne. C'est beaucoup, c'est beaucoup, Ah, c'est beaucoup. beaucoup. Il n'en a jamais C'est un pris poste autant. 4. Cette saison, il n'en a jamais pris autant de toute sa carrière. Des tirs à 3. Bah écoute, il se sent pousser des ailes et tant mieux. Mais voilà, espérons qu'on retrouve un bon Julius. Est-ce qu'on va retrouver un Quentin Grimes dans le starting 5? Il a fait un premier retour sur la pointe des pieds. Tu l'as dit, Josh Hart, il joue beaucoup. Peut-être que Josh Hart, il a un peu Le capot qui déjoué. fume. Et on a aussi un banc qui a été limité sur le match 1, forcément avec Obi qui se retrouve dans le starting 5, avec Quentin Grimes qui joue que 10 minutes. Donc il va falloir qu'on rééquilibre un petit peu tout ça. Et peut-être qu'un retour de Quentin Grimes qui peut apporter à l'extérieur, un shoot extérieur, une menace, ça pourrait nous aider. Quitte à avoir aussi Rééquilibrer la sortie de banc. un Rééquilibrer apport la en sortie. sortie de banc de Hart et Quickley. Quickley qu'on attend et ça a été encore délicat sur Et le puis, match plus 1. ça, et plus ça, plus ça marchait bien. En plus, ça, je veux dire, Hartenstein, l'association fonctionnait bien. Donc, Voilà. Donc, il y a peut-être à revenir à des bases, à des fondamentaux de ce qui a marché sur la saison. Thibodeau le dit, hein, une saison régulière de 82 matchs, c'est aussi pour te donner des certitudes, savoir quelle est ta formule. C'est pas pour c'est tout quand même chambouler beaucoup, hein, arriver en 82 matchs. playoff. Hein. C'est pas 4 matchs de pré-saison. Hein. C'est ça. Donc, revenons à cette formule qui a été avec du succès sur la saison. Randle, faut qu'il revienne. Grimes, Ouais. remets-moi ça dans le starting five. Même si tu fais qu'une vingtaine de minutes un petit peu avec du hard, mais voilà. Et puis Grimes, il peut défendre aussi sur Jimmy B. Hein. Donc Oui, ça bien sûr. là-dessus, on a moyen de mettre des joueurs en Non, et valeur. puis Donc moi. Hart n'a pas de souci à jouer sur 2-3, sur poste 2, poste 3. Donc il Ouais. gardera son volume de minutes. Moi, je dis victoire au match 2. Voilà, comme ça, on rééquilibre à 1-1, on est bien. Et match 3 en Floride. Désolé, mais je vois plutôt une victoire du Heat. Je sens que cette série va être longue. Hein, là, on vous pronostique juste les matchs de la semaine. On fait la vidéo par le pronostic de la série. Mais je sens une série qui va pousser assez loin et des équipes qui vont faire un peu des ajustements dans tous les sens. Ça va être un duel. Cette semaine, je vois une victoire partout et finalement le Heat qui termine à 2-1 à la fin de la semaine. En s'imposant chez eux. C'est mon prono. Et toi? À ton tour. À ton tour de passer sur le gris là. Ouais, bah, écoute, j'ai écouté un peu ouais, tes arguments et ce que j'ai pu amener aussi comme ajustement au niveau de la data. C'est vrai que ouais, ils ont marché sur l'eau contre les Bucks. On connaît, hein, on sait hein, qu'il y a des équipes comme ça qui d'un coup prennent le feu face à l'adversité. Tout le monde est donné perdant. On connaît l'esprit de compétition de Butler qui peut amener ses collègues à élever leur niveau de jeu. Pour moi, ils sont retombés. Alors, ce match est une défaite, évidemment. Mais pour moi, en fait, amène aussi comme enseignement et qu'ils sont peut-être aussi retombés dans leur niveau de saison régulière. C'est-à-dire, Tant mieux. ouais, tant mieux. Tant mieux, mais on l'a pas gagné. Et c'est ça qui me fait peur. Dommage. C'est que, après, de notre côté, nous, il nous manquait deux mecs parce que les 10 minutes de Grimes. Ok, c'est un match de reprise, c'est un match où il faut se remettre en C'est jambes, mais ça. ça n'a pas. Ça a... Et puis l'absence de Julius, évidemment, c'est quand même quelqu'un qui doit nous amener 25 points. Donc c'est quand même monstrueux, hein. Tu nous amputes de points, c'est pas rien, quoi. Allez, on va dire entre 20 et 25 points, t'imagines? Enfin, Ouais, parce que c'est. sur la première série, il n'était pas à 25 points, mais et voilà, même s'il est à 14 points, ce qui est nul par rapport au niveau qu'on doit avoir, Ouais. ça Mais manque ça sur fait un ce match genre de gagné, match. ça. Ben oui, ce sont les points qui font qu'on n'est pas Et ne serait-ce devant. que les lancers. Il provoque des fautes, Bien sûr. même s'il n'en provoque pas autant qu'il aimerait, et du coup, ça l'énerve. Oui, Mais en tout il cas, aimerait des il met une N1 sur menace chaque et action. voilà. Mais du coup, on a besoin de cette force-là, quoi. On pourra pas Carrément. vraiment. Non, on peut pas. C'est trop compliqué parce que là, on s'ampute d'un monstre à deux têtes. D'un coup, on en a un qui est plus là. Donc, comme tu l'as dit, hein, et à juste titre, ils peuvent plus facilement se focus sur un mec. Et que quand JB est malade, eh ben, c'est toute l'équipe qui en souffre. On En l'a dit plus. depuis le début de la saison, hein, c'est le baromètre de l'équipe. Hein. Quand JB marche sur l'eau, on est très fort. Et quand JB tâtonne, eh ben, l'équipe, elle bégaye, quoi. Donc on en est là pour l'instant. On se repose sur un mec. Alors, il a énormément de talent et je pense qu'il va rebondir sur le prochain match. Mais en effet, on a besoin que Julius revienne. Dans quel état de forme il va revenir? Ça, bien malin celui qui pourra le dire, parce qu'il se reblesse là où c'était blessé. Alors oui, il remarche, oui, il reprend des shoots. Cependant, sur les petites vidéos qui ont leaké, tu Ouais, sais c'est pas pas trop fluide, sur les fluide. appuis. Tu sais pas trop, ouais, sur les appuis, t'as l'impression que ça boite un peu, que ça. Mais là, on est dos au mur, en fait. Là, on n'a plus le choix. Enfin, on perd le deuxième, c'est foutu. Enfin, pour moi, c'est fini, hein, c'est foutu. Bon, si Déjà, il y on a la perd le stat sixième. qui. Alors, ces playoffs cette année sont. Oui, ils s'en foutent. Hein. Quand on regarde, en fait, déjà, l'upset du 8, c'est relativement rare. Il y a des upsets rare. En veux-tu, en voilà. Memphis qui pète contre les Lakers. Ouais, voilà. Alors après, ce sont des... Au rayon des choses marrantes, il y a un représentant de chaque spot. Hein. Il y a un spot 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. C'est marrant. On a des playoffs qui sont assez irréels. Et on a aussi la stat qui nous dit que c'est 0-7 pour une victoire en série quand on perd le match 1. Donc voilà. Donc il serait bon ton déjà. Et si t'es mené 0-2, je crois qu'il n'y a que 33 équipes sur 207 scénarios, un truc comme ça, qui ont réussi à remonter l'écart. C'est que dalle. C'est rien. Les Warriors. Donc, si on perd. Les Warriors étaient menés 0-2 récemment et ils viennent de l'emporter au match 7 à l'extérieur. Tu nous compares sérieusement aux Warriors là ? Tu tosses ça là ? On est bien meilleur que... Sur YouTube en direct à la télé là. On est bien je ne cautionne pas ces propos. Hein. Maman, si tu m'écoutes, je ne cautionne pas du tout ces propos. Non, mais on peut pas. Non. Pour moi, si on est à 0-2, c'est quasi foutu. Hein. 0-2 en partant à Miami, ça plombe tout espoir, effectivement. Avec une équipe qui vient de claquer le prétendant numéro 1. Et là, tu es mené 0-2. Tu vas avec donc, le Pinel là-bas. Hein. Must win, on n'a pas le choix. Il faut le gagner. Julius revient, j'espère. Je pense qu'il sera là. Mais on aura droit à un grand GB et on le gagne. Avec un peu plus, évidemment, un peu plus d'adresse à 3 points, mais on le gagne. Je pense que IQ, il faut qu'il se force. Vas-y, mon grand, t'as été dans le gratin des 6e hommes de la Ligue. Tu nous as fait rêver sur le dernier quart de la saison. Vas-y, IQ, joue ton jeu, prends tes shoots, hésite pas. Ça marche pas, tant pis, tu recommences. Il faut dynamiter. Pas ce genre de mecs qui peuvent aussi faire qu'une défense va être aérée. Donc, IQ, arrête d'avoir la top au bout du terrier, quoi. vas-y, mon grand, t'arrêtes. T'as rien à perdre, quoi. Vas-y. Ou le cigare au bout des lèvres, si tu veux qu'on fasse quelque chose de plus imagé. Mais... On va pas nous bloquer la vidéo. Stop. Non, ça, j'ai rien dit. Parce que je pourrais dire bip avec une bip. Mais il faut qu'il y aille. On connaît son jeu, justement, qui est tout en déséquilibre. Vas-y, quoi. IQ, c'est le moment, là aussi. Lâche-toi. Donc, on prend ce match. Et alors, le prochain match 3. C'est celui-là qui fait mal. C'est celui-là, c'est la banderille, celui-là du Torero. Celui-là, on prend à l'arraché, peut-être même en prolongation, mais on le prend à Miami. Ah. Ok, très bien. Donc pour toi, à la fin de la semaine, on leur rend la moyenne de la pièce. Knicks, pour moi, à la fin de la 2 hit. T'as vu comment les rôles se sont inversés ? Parce que en début de saison, t'as vu, c'était toi l'hyper optimiste à chaque fois. Dès qu'on faisait, tu sais, une semaine, t'étais là à chaque fois, limite, mais non, mais attends, on fait un 4-0, on fait un 3-0, mais non, attends, bien sûr. Et puis, et là, les playoffs arrivent, t'es comme IQ. Les playoffs arrivent, là, t'es là, t'oses pas, vas-y, ose, quoi. Mais je suis prudent sur cette série. Et pour l'instant, sur le match, malheureusement, ça m'a donné raison. T'es pas peur des BAM. Écoute, il y a un réveil déjà de Kyle Lowry. Je me doute que ça va pas durer toute la série. Bam, il est pas fou, mais peut-être qu'il va nous sortir un match à un moment donné. Où, voilà. C'est ça aussi les playoffs, c'est que il y a toujours une histoire de joueurs. Ouais, mais j'essaie d'amener des ondes positives, tu vois. Il faut. Mais dans Dragon Ball Z, il y a ce qui s'appelle le Genki Dama. Tu vois, c'est que quand tout le monde donne son énergie, tu vois, à son Goku bon pour faire son attaque finale. Et bien là, c'est pareil, tu vois. Il faut envoyer les ondes positives à notre équipe pour qu'elle soit, tu vois, qu'elle soit forte de toute cette énergie et qu'elle terrasse. Ah, c'est terrible. C'est beau. Et maléfique, Miami. C'est beau. Et bien écoute, j'ai tellement envoyé des ondes positives que j'ai partagé le calendrier des finales NBA, tu vois. Donc, je pense pas qu'on peut aller au plus loin. Mais voilà, du coup, là, on vous... Justement, quand est-ce qu'on pourra prévoir le défilé dans l'Imperial Bus, tout ça? Pour la parade, ça se passe comment? Non. on va rester humble. Il n'y a qu'un match de jouer. Il faut respecter l'adversaire. Et l'adversaire, pour moi, est plus fort que le Cavs. Que déjà, que les Cavs, que je craignais. Beaucoup plus expérimenté. Beaucoup l'expérience, plus expérimenté. Ça fait beaucoup de choses. Après, et un coach. Ça fait pas c'est tout. Pas Jimmy Bickerstaff, là. Hein. Là, on est sur Eric Spoelstra, de ce qui se fait de mieux en NBA en termes de coaching. Hein. Donc, le mais mec, il voit un problème. Plus ou moins rassurant. C'est de voir aussi qu'on a pu, entre guillemets, contenir d'une certaine façon Jimmy Butler. Donc voilà, ça reste qu'un match. C'est difficile de tirer beaucoup d'enseignements sur un match. On veut, on souhaite de tout cœur que les Knicks rebondissent au match 2. Mais cette série, au final, toi, tu la vois aller jusqu'en combien? C'est quoi le pronostic de la série? En 7. Ah, écoute, pareil, en 7 aussi. Alors, c'est qui gagne à la fin? Paradoxalement, je vais te dire, en 7... Les Knicks l'emportent. Ouh! À la maison, mais, tu diras. Mais je peux aussi dire un 6 Miami. Ah. Bon, et écoute, je suis partagé. C'est je suis pareil, moi. Je en termes de pronostic, je vois une série qui va aller plutôt loin. Déjà, 6, ouais. C'est déjà assez loin. Mais effectivement, 6, ça se joue chez eux. 7, ça se joue chez nous. Mais j'ai peur. Peut-être que eux, ils ont... peut-être que eux, en effet, ils ont Jimmy B, qui est un homme du clutch, mais nous aussi, hein, on a et ouais, un match 7. Un GB. Rappelle-toi l'été dernier. Rappelle-toi les derniers playoffs de l'année dernière, quand Brunson était présent dans la victoire des Dallas Mavericks. Alors, ils avaient un Doncic qui a été magnifique contre Phoenix, évidemment. Mais Brunson avait eu également son lot de participation. Et donc, il connaît ces matchs-là. Et c'est quand même un mec qui est fort aussi. Je pense qu'il a l'expérience. Il est galvanisé par ça. Donc, j'arrive pas à trancher. Je suis désolé. Là, je peux pas trancher. Je dirais, c'est trop tôt. Si ça, je dirais un 6 Miami ou un 7 Knicks. J'arrive pas vraiment okay. Bah écoute, de toute façon, on sera là la semaine prochaine pour refaire le point sur où en est la série et réajuster et notre pronostic au KK. Tu l'as mais dit, moi, j'ai pas aussi une série qui va assez loin. J'aimerais bien qu'elle aille en 7. Parce que voilà, je vois plutôt des équipes qui vont se rendre coup pour coup. Mais j'ai peur. J'ai peur que le Heat, justement, vienne nous la faire à l'envers et vienne gagner en 7 chez nous. Ouais, c'est possible. C'est en ça où elle est relativement indécise, cette série. Alors oui, si Jimmy Butler finalement se fait la cheville et est absent 2-3 matchs, ça peut tout changer. Si oui, Julius Randle ne revient pas ou n'arrive pas à lancer sa campagne. Le 10 prochain, on est à 0-3, on fait bon, bah écoute, c'était sympa. Ouais, ça, voilà, mais après, ça serait un coup du sort parce qu'il y aurait eu des événements anormaux qui auront contrarié cette série. Mais là, en l'état des effectifs, alors oui, on sait que Tyler Herro, il va pas jouer, on sait que Oladipo va pas jouer, mais si on garde encore les effectifs tels quels, sans blessure majeure, j'ai peur qu'il y ait quand même une série qui aille loin. Et l'expérience, c'est pour le coaching. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est vraiment pour eux. Jimmy Butler, il a fait des choses royales en allant s'imposer aux Bucks le premier tour. C'est le gars qui sait mettre le on-off. C'est pour ça que, si tu veux, cette série n'est pas facile, parce qu'on se dit qu'en effet, on va proposer un tout autre jeu que ce que les Bucks ont pu montrer contre le Heat. Peut-être qu'ils ont vu, peut-être qu'ils se sont vus trop beaux et qu'ils se sont vus déjà gagner. C'est les arguments qui ont été avancés par Milwaukee. Cependant, ben, on a quand même une équipe qui est sortie du play-in et qui leur a roulé dessus, clairement, ils l'ont roulé dessus, parce que tu gagnes 4-1 une équipe, la meilleure équipe de la ligue, pardon, excuse-moi, hein, c'est voilà. Et c'est en ça, en fait, où tu te dis, alors on sait, c'est pas en se disant, tiens, je suis déjà en train de trouver des excuses, notre défaite, en disant, ah oh, ben tiens, ben, le non, mec, ça d'accord, ça, enfin, non mais c'est vrai que tu dis, l'équipe vraiment... en haut de l'Olympe, tu vois, là, qui est en train de boire des coups avec Héphaïstos, tu vois. Ils sont là, tu vois, tout va bien. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et d'ailleurs, ils boivent le vin de Carmelo Anthony, évidemment. et si tu veux, donc, tu te dis, en ce moment, il y a tout qui l'a réussi. il y a tout qui leur réussit à ces gars-là. Et il y a tout qui leur réussit. Et nous, ben, il va falloir qu'on aille les chercher, qu'on aille chercher les coups du sort. Et donc voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est ça en ça que cette série n'est pas évidente parce que autant ils sont dans leur lancée et ils nous roulent dessus aussi, tu vois. Surtout si on a Mais un Julius qui revient pas, surtout. Enfin, mais autant, enfin, je demande j'ai qu'à me tromper sur mes la pronostics. France a peur. Je voyais les Cavs supérieurs aux Knicks. Je me suis trompé. Mon bracket, Oui. il est pas bon. Oh oui. Je me suis pas trompé malheureusement sur le Moi, à match l'Ouest, je suis 1. tout Je bon. demande à me Mais alors, tromper à pour la l'Est. suite. Je me demande à me tromper pour la suite, mais je vois malheureusement le Heat en 7. On verra. Il peut se passer beaucoup de choses. Une série qui aille loin. Les Knicks n'auront pas Et Derrick un Henry non match plus, 7 au mais. Garden, ça serait terrible. Ça serait Oh, incroyable. oh. Ouais, mais perdre Hein? sur un match au 7 au Garden, Non. ça Mais non, ferait mais non, mais mal. non. Non, non, non. Et on part bien sur le match 1. Non. Et puis en plus, là, pour le coup, la NBA fera bien les choses. Nous mettra Jake Foster. Oh, ouais. On a déjà vu Bon, en avec tout Tony cas. Brosard. T'as vu que les deux défaites pour les stars des Knicks, c'est Tony Brosard qui était à l'arbitrage. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Voilà. N'oubliez pas en commentaire le fameux hashtag beat the hit. Bien sûr, Il faut ça pour gagner de toute façon. le petit pouce parce que vous êtes Tout, plein à tout, nous tout. regarder. Vous êtes plein à nous regarder, mais mettez-nous un petit like, ça va vous prendre 2 petites secondes. C'est bien pour le référencement parce que ben, les gens qui vont taper Nix Analyse ou quoi que ce soit, boum, ils vont tomber sur votre vidéo en premier. Et ça, c'est cool. On n'est Donc pas des analystes, on est des amoureux et des fans, d'ailleurs. non, bien sûr, mais tu sais, les gens qui cherchent un peu du contenu FR, ben, des fois, tu sais, tu galères, quoi que ce soit, t'en trouves pas. Bon, nous, on en fournit, en plus, je veux dire, toi, tu fais des très bons trucs de qualité sur les Knicks Connect, enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas, vous regardez, boum, vous mettez un petit like, ça vous prend 2 petites secondes avec le doigt, avec le clic. Et c'est vrai que La ça, pour cloche, le la coup. cloche. Et puis, oui, beat the hit, évidemment, quoi, mais plus que jamais, en fait. Plus que jamais. Plus que Regardez. jamais. Gère. Nom de Voilà, Nix, non merci. mais, nom d'un chien. Sur ce, avec maintenant, on a une très grosse semaine qui nous attend. Deux matchs, On pas a n'importe beaucoup lesquels. papoté. La rivalité, elle est de retour. C'est une série au second tour. Il y a une place en fou. On veut une série accrochée. On veut dominer au rebond, retrouver des joueurs en forme, remettre des 3 points un petit peu, gagner quelques matchs, ça c'est certain. Puis profiter Les le plus chiffres du longtemps possible loto, de une ces orange et bleu. augmentation. Et la retraite à 60 ans. Oh, Alors pour ça, n'oubliez pas en commentaire, hashtag beat the hit. Sinon, on n'aura rien de tout ça. tout est lié à Tout est cette lié. série. C'est les algorithmes, c'est l'intelligence artificielle, je vous dis. Si les Knicks ne passent pas cette série, c'est foutu, les gars. C'est foutu. Et puis, il y a des gens qui veulent voir Shoebix avec un slip sur la tête pour célébrer tout ça. Donc, il y a un moment, il faut des Bon, pouces, des likes, des commentaires, alors de là tout ce que pour vous le voulez. coup, alors, je déconne beaucoup sur les réseaux, tout ça. Cependant, je veux bien mettre un slip sur la Attention. tête, mais Si. le million, pour le coup, sur mon compte en banque. Parce que s'il doit y avoir ma tronche sur Internet avec un slip sur la tête, je vais pouvoir préparer mes arrières. Donc, le petit million sur le Tes compte en arrières. banque, le petit million sur le compte en banque, je fous le slibard sur la tronche. Et puis Ok, on va penser à ouvrir une cagnotte litchi voilà, pour. petite canotte litchi, voir Choubix slibard sur la tête. Bon, vous vous rendez compte qu'on fait cette émission après une défaite? On est quand même de bonne humeur, enfin on essaye. Ben J'espère que vous oui, le serez oh. aussi cette semaine. J'espère qu'on pourra cultiver cette bonne humeur avec des victoires. D'ici là, portez-vous bien. Let's go Knicks. Et puis rendez-vous lundi prochain pour la suite. Hein, il n'y a plus que Ben ça à dire. oui. Allez, à The Knicks Week. Et à très bientôt sur KNF TV. Ciao, ciao. À bientôt. Salut! À très bientôt.